Nasa the summit. Faut t'arrêter faire le pit, t'es bondé quand t'es sobre, mais t'es fou quand tu piches. Samedi mini, faut t'arrêter faire de la raison, seul moyen de s'en sortir ici, c'est faire du chiffre. Samedi Noma, faut t'arrêter de mi-us. Toutes ces salopes, elles sont bonnes qu'à ses us. Samedi Noma, distribue des comas, car on le sait d'avance, on perd du combat. Samedi mini, samedi mini, samedi mini, vas-y, shoot-les. Samedi Noma, samedi Noma, samedi Noma, vas-y, fume là. Samedi mini, samedi mini, samedi mini, vas-y, shoot-les. Samedi Noma, samedi Noma, samedi Noma, vas-y, fume là. 5-10 minutes, tu devrais les niquer, mais je calcule pas ces puces, je préfère les éviter. 5-10 minutes, j'ai fini ma bouteille. 2 secondes après, je te dis la vérité. Dans un secteur, si tu veux vérifier, mais pour toi, sale bolos, ouais, sera tarifé. Voler dealer, on l'a fait et refait, y'a plus de temps, c'est posé dans les bras de Marfée. Pétasse, ma pute. Reste à ta place, tu seras jamais ma sable, là, juste besoin que tu me suces. J'ai les massages, je te ferai pas de massage, les michetures sont à l'affût. Mais impossible pour moi que j'entre de la salle. PC rentrer dans mon cœur, faudra d'abord que t'ailles à la salle. J'allume ma boîte, ouais, un méga méga. Le bon jusqu'au mégo mégo. Demande à méga méga, ce qui rend fou, ouais, c'est les sous l'ego. Parlons peu, parlons bref, ouais, dis la naïeli, fais des habits. T'as pas capté, c'est pas mon problème, ouais poto, vas-y reste bête. Samedi mini, faut que t'arrêtes faire le pit, t'es bondé quand t'es sobre, mais t'es fou quand tu piches. Samedi mini, faut que t'arrêtes faire de la rire, seul moyen de s'en sortir ici, c'est faire du chiffre. Samedi Noma, faut que t'arrêtes de mi-us. Toutes ces salopes, elles sont bonnes qu'à ses us. Samedi Noma, distribue des comas, car on le sait d'avance, on perd du combat. Samedi mini, samedi mini, samedi mini, vas-y shoot-les. Samedi Noma, samedi Noma, samedi Noma, vas-y fume là. Samedi mini, samedi mini, samedi mini, vas-y shoot-les. Samedi Noma, samedi Noma, samedi Noma, vas-y fume là. Samedi, Jimmy, ni d'avance. La beuh, je récupé, je la vends. Le hall ne sent pas le safran. Tu rasbats pas d'échange, brouillé bi à l'échant. Elle, elle voulait du zep, mais pas ton calé dans le thème. T'es en galère, t'es en cum, j'ai la verte, il a le sem. Franchir palier à Tansei, échec, plus en gros t'essuie. Un peu foncé, elle me suit. CBLA, je lui fais réserver la suite. Fais pas la diva dans le lit, je te dévore. Crapuleux comme Trevor. Ouvra, chasse au trésor. T'es dans le pétrin. C'est le sang, je viens. On le démarre ou bien, hein? On le démarre ou bien. Samedi mini, faut que t'arrêtes faire le pit. T'es bondé quand t'es sobre, mais t'es fou quand tu piches. Samedi mini, faut que t'arrêtes faire de la rire. Seul moyen de s'en sortir ici, c'est faire du chiffre. Samedi Noma, faut que t'arrêtes de mi-us. Toutes ces salopes, elles sont bonnes qu'à ses us. Samedi Noma, distribue des comas, car on le sait d'avance, on perd du combat. Samedi mini, samedi mini, samedi mini, vas-y shoot-les. Samedi Noma, samedi Noma, samedi Noma, vas-y fume là. Samedi mini, samedi mini, samedi mini, vas-y shoot-les. Samedi Noma, samedi Noma, samedi Noma, vas-y fume là.